je vois le monde passer. Bien que Thank you. when we were, when we were, where you are now. I wanna find you in my safe region. Every day I just wanna think about you. Heaven, if you leave me alone, I'm trying to find you, I'm trying to mend you, and you are in my mind every day. Let me go. Got me one more time again, and I will be no more of this end. Look at me one more time again. Let me think of you. Then you go away. For me, and I will never forget your eyes. Oh, hey, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. My call again. This guitar make me feel. When I see my golden home, I'm begging to be mad with me. Chante la vie, chante, chante Charonne, chante, chante comme ça vient, chante avec moi, même si tu ne le veux pas. Ne le veux pas, je te prends avec moi. Tu vas chanter, tu vas chanter. Ouvre ta bouche. Chante, laisse sortir les mots d'amour. Ouvre, ouvre ta bouche. Laisse sortir les mots d'amour. Thank you. Benjam, Benji du 63. Pourquoi je fais chier? Benji du 6-3. Aka le vététiste. Aka le sportif. Salut Coco. Aka le guitariste. Aka le chanteur. Aka le. Aka le sympa. Qu'est-ce qu'elle va manger, Sharon, ce soir? Mets-moi l'eau à la bouche un peu, là. Je suis en train de parler. Vous m'avez pris comme un singe, hein? Les gens là sont en train de me jeter les ballons, hein? Je suis en train de marcher dans la rue là, les gens me jettent les graines d'oiseaux. Les gens là sont en train de me prendre comme un moins que rien. Vous les gens là, vous la peau. Je suis en train de te dire là. Ils nous ont les bananes, hein? Je viens de dire que c'est bon. C'est pas pour les noirs. C'est pour les gens. De toute manière, on se prend pour je te dis que les bananes là, vous croyez que les noirs mangent les bananes pour faire beau? C'est pour les bonobos. Bon, fiu, can you help me? Bon, Ben, arrête de tout changer. Thank you. vas manger quoi? Vous allez manger quoi? Ce soir. Tu vas manger quoi? Tu vas me dire. Hein? Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, excuse-moi, j'avais pas compris que tu voulais faire un truc en 64, alors c'est... Je sais pas si tu m'as entendu, parce qu'en 64, c'est dur pour parler. Mes mains sont devenues du cuir. Voilà, on l'a remis en 64. À force de taper sur du cuir. Mes mains sont devenues du cuir. À force de taper sur tes fesses. C'est 64.